Page 7. Vocabulaire. Numéro 1. Une science décrivant les phénomènes physiques et humains de la Terre. Numéro 2. Le quatrième jour de la semaine. Numéro 3. La langue parlée au Royaume-Uni et aux États-Unis. Numéro 4. Un mot qui remplace un nom. Numéro 5. Casse un pour faire une petite omelette. Numéro 6. Substance sucrée fabriquée par les abeilles. Numéro 7. Travail scolaire qu'on fait à la maison. Numéro 8. La forme féminine de l'adjectif nouveau. Numéro 9. Le contraire de l'adjectif nul. Numéro 10. Le huitième mois de l'année. Numéro 11. Abréviation du mot monsieur. Numéro 12. Pour faire un, on a besoin de farine, de beurre et d'œufs. Numéro 13. Un fruit de couleur jaune et de forme ovale. Numéro 14. Un liquide inodore, incolore, qui coule du robinet. Numéro 15. La larve aquatique des grenouilles. Numéro 16. La jambe d'un animal. Numéro 17. Organe qui permet au têtard de respirer. 18. Un homme ou un animal qui mange de tout. Numéro 19. Inhaler de l'oxygène et rejeter du gaz carbonique. Numéro 20. Un chat manx n'a pas de...